Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Qu'est-ce qui ne renseigne pas ou qui renseigne mal? Les États-Unis n'ont pas réussi à suivre les progrès de la Corée du Nord en matière de nucléaire militaire. C'est la thèse du New York Times et c'est peut-être aussi ce qui explique la situation actuelle. En tirant pour la première fois un missile intercontinental capable d'atteindre les côtes de l'Alaska, la Corée du Nord vient de faire basculer la crise dans une autre dimension. Particulièrement inquiets, Américains et Sud-Coréens ont décidé de ne pas rester les bras croisés. Ils ont tiré plusieurs missiles balistiques, simulant ainsi une éventuelle attaque contre Pyongyang. Une manière pour Washington et Séoul de prouver leur détermination dans ce dossier. Le missile, tiré par Pyongyang le jour de la fête d'indépendance des États-Unis, s'est écrasé dans les eaux de son voisin japonais. Pour le premier ministre Shinzo Abe, le niveau de la menace a bel et bien franchi un cap dangereux. Selon la Corée du Sud, il y a une forte probabilité pour que son voisin conduise un sixième essai nucléaire dans les mois à venir. Le gouvernement condamne dans les termes les plus forts et de manière répétée les provocations irresponsables de la Corée du Nord. Ces provocations sont clairement une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit justement en urgence ce mercredi. Une séance à l'initiative des États-Unis. Benjamin Houde-Couverture, vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. C'est particulièrement difficile d'espionner la Corée du Nord. Oui, c'est particulièrement difficile d'espionner ce régime. Les services de renseignement sud-coréens et les services de renseignement américains sur place, qui sont à peu près les seuls à fonctionner, en particulier les pays européens, la France notamment, n'a pas de services de renseignement qui opèrent avec la Corée du Nord, s'en plaignent suffisamment. Et se plaignent en particulier de ce que l'opacité structurelle du régime depuis le début des années 50 fait qu'il est à toute épreuve contre la fuite d'informations, et en particulier sur les sujets qui sont éminemment stratégiques et secrets au sein même de l'appareil d'État et au sein même des différentes administrations qui en ont la charge. Et donc, les informations qui sont issues du renseignement américain comme du renseignement sud-coréen, c'est un petit peu de renseignement humain, c'est beaucoup de débriefings de transfuges et d'évadés du régime aux frontières par les services sud-coréens et les services américains, et puis c'est l'exploitation d'images satellitaires. Et on se rend compte, en fait, que depuis le début des années 2000, chaque crise est lancée par l'obtention d'un nouveau renseignement, souvent d'ailleurs par le biais de transfuges, qui se prononce aux États-Unis. Et on se rend compte à chaque fois que les Américains, parce que ce sont les premiers concernés, ont un train de retard. C'est-à-dire que, d'ailleurs, un train de retard ou un train d'avance. Au début du siècle, on a un petit peu dramatisé la menace en pensant que les Nord-Coréens étaient tout prêts d'avoir déjà un premier engin nucléaire. On s'est rendu compte en réalité qu'il n'en était rien. Et à contrario, depuis quelques années, on a plutôt eu tendance à minimiser le rythme de progression des ingénieurs, missiliers et nucléaires, alors qu'en fait, ils avaient fait beaucoup plus de progrès que c'était prévu. Donc on se rend bien compte que dans les deux cas, on a toujours un petit peu à côté de la plaque. Et oui, parce que Benjamin Houde-Couverture, lorsqu'on regarde les différents lancements, il y en a eu énormément des lancements donc, pour tenter de mettre au point une arme nucléaire pour la Corée du Nord, on s'aperçoit que beaucoup ont été des gros ratages, des super fails. Oui, bien sûr, il y a eu énormément de ratages. Mais ça, c'est l'histoire balistique en général de tous les États. C'est-à-dire que tous les tests et essais de missiles sont faits d'une certaine manière pour rater, sont faits pour échouer, et précisément pour que les ingénieurs apprennent de leurs erreurs. Et je veux dire, c'est vrai pour un pays comme la France également, qui à chaque fois qu'il passe un pas technologique, a besoin de tester sa solution et de se rendre compte à quel point elle est opérationnelle. Et c'est naturellement vrai des Nord-Coréens, mais pas plus que les autres. Qu'est-ce qui est compliqué dans une arme nucléaire, sachant que c'est une arme qui a été probablement obtenue en collaboration avec d'autres pays qui maîtrisaient toute ou partie de cette technologie? Quels sont les différents paliers, les différentes difficultés, Benjamin Houde-Couverture? Oh, il y en a énormément, si vous voulez. La première grosse difficulté, c'est l'élaboration de la charge nucléaire elle-même, c'est-à-dire d'être capable de faire fonctionner une filière de production de combustible nucléaire. C'est la filière plutonium ou c'est la filière de l'uranium enrichi. Et on sait que les Nord-Coréens ont lancé en 2002 la filière de l'uranium enrichi et qu'ils maîtrisent aujourd'hui sans doute les deux filières. Donc cette première grosse étape, c'est la construction du combustible. Et puis après, il y a naturellement, une fois qu'on a une charge nucléaire sous forme de plutonium de qualité militaire ou de uranium enrichi suffisamment pour pouvoir avoir une forme explosive de qualité arme, il faut pouvoir la faire emporter par un moyen, quel qu'il soit, qui permette de projeter l'arme à l'extérieur des frontières. Et donc là, on peut tout à fait penser à des bombardiers, hein, à des avions. La Corée du Nord en dispose, mais ce sont des chasseurs qui sont tellement rudimentaires, qui ont été achetés à l'ex-URSS, que ce serait un moyen d'emport parfaitement inefficace. Pourquoi ? Bon, parce qu'ils sont détectables extrêmement vite et que par conséquent, ils ne peuvent pas atteindre leur cible. C'est absolument impossible. Ils auraient une bombe rudimentaire à faire sauter, mais on n'est plus en août 1945 au-dessus de Nagasaki. Aujourd'hui, une arme nucléaire performante, elle est forcément lancée depuis la Terre. Il y a aujourd'hui de bonnes pratiques en matière de nucléaire qui font qu'on n'utilise plus d'avions, Benjamin Haute-Couverture ? Si, si, bien sûr. Les bombardiers stratégiques sont tout à fait efficaces. D'ailleurs, je vous rappelle que la composante aéroportée de la force de dissuasion française fonctionne très bien. En tout cas, nous le dit-on. Et donc, cette force peut être, cette composante peut être tout à fait efficace dans certaines conditions. Mais ce n'est pas le cas de la Corée du Nord, qui a besoin, à l'évidence, de se doter d'un programme de missiles pour pouvoir projeter sa force. La guerre des mots continue entre la Corée du Nord et les États-Unis. Lundi, le dictateur nord-coréen Kim Jong-un affirmait que le bouton nucléaire était toujours sur son bureau. Réponse de Donald Trump hier, le mien est plus gros et plus puissant et il fonctionne. Pensez-vous que la Corée du Nord ait pu, de manière délibérée, endormir les États-Unis, puisque donc le New York Times pense qu'il y a vraiment eu un gros fail des services de renseignements américains, bref, faire penser que leur bouton était tout petit, pour reprendre l'expression de Donald Trump? Bah écoutez, c'est très simple. Depuis 2002, en gros, l'Agence internationale d'énergie atomique n'a plus accès aux installations nucléaires nord-coréennes. Et par ailleurs, énormément de ces installations sont clandestines, et l'étaient déjà. Et par conséquent, oui, ils ont parfaitement endormi leurs ennemis et leurs rivaux en conduisant un programme nucléaire et balistique clandestin. Et donc, on a eu beaucoup de mal à s'en rendre compte parce qu'on n'avait pas encore les outils en particulier de contre-prolifération, de lutte contre les trafics qui leur ont permis de faire aboutir ces programmes aujourd'hui. Et donc, les États-Unis et la Corée du Sud ou le Japon n'ont pas compris à quel point le rythme était plus rapide que ce qu'ils imaginaient. Il ne faut pas non plus verser dans l'idée selon laquelle les Américains auraient totalement été endormis. Ce n'est pas vrai. Quand vous voyez par exemple que Siegfried Ecker, qui a dirigé le laboratoire national Los Alamos entre 1987 et 1998, qui est un type qui est vraiment excessivement calé, si vous voulez, sur les questions, et qui se rend à Yongbyon, donc le site, l'usine du plutonium en Corée du Nord, chaque année depuis 2004, et qui rapporte naturellement à Washington à chacune de ses visites, on se rend bien compte que les Américains... Chacune de ses visites, il demande une invitation. Il est invité, bien entendu, il est invité par les Nord-Coréens. Les Nord-Coréens maîtrisent extrêmement bien ce qu'ils veulent montrer et ce qu'ils veulent cacher. Mais Siegfried Ecker, en particulier depuis sa visite de novembre 2010, nous dit où en est le programme nucléaire, en particulier la filière plutonium de la Corée du Nord, et on le sait. Et donc, par conséquent, les Américains savent énormément de choses. Ce qu'ils ne savent pas, et là, on s'en est bien rendu compte, mais personne ne le sait, parce que c'est extrêmement difficile d'avoir cette information, c'est à quel rythme ça progresse. Si l'essai va être en septembre plutôt qu'en novembre, si ça va être en décembre plutôt que l'année prochaine. C'est là où ils se trompent. Mais ils se trompent de quoi ? Ils se trompent d'un an, ils se trompent de deux ans. Mais aujourd'hui, c'est devenu considérable. Aujourd'hui, que sait-on sur le nucléaire nord-coréen ? Alors, on a des films du dernier lancement. Et est-ce que ça signifie que l'on a aujourd'hui une idée précise de ce qu'ils peuvent faire et de ce qu'ils ne peuvent pas faire, Benjamin ? On a une idée précise, en effet, de ce qu'ils peuvent faire avec leurs missiles de courte et de moyenne portée. Et là, on pense qu'aujourd'hui, c'est une capacité nucléaire rudimentaire qui existe. En revanche, on a aucune idée de ce qu'ils peuvent faire avec leurs missiles intercontinentaux qu'ils viennent de tester, mais qui ne sont certainement pas au point pour pouvoir emporter encore une arme nucléaire et la projeter sur un territoire lointain à plus de 10 000 km. Pourquoi ? Donc là, on ne le sait pas. Parce qu'on ne sait pas encore s'ils savent miniaturiser une arme, si le véhicule de rentrée d'un missile peut rentrer dans l'atmosphère ou s'il va se désintégrer. Et là, on ne peut que voir, nous, ce qu'on voit de leurs essais. Et on se rend compte à chaque occasion que, ah non, là il leur manque ceci, là il leur manque cela. Et donc c'est pas encore totalement opérationnel, les solutions ne sont pas encore totalement validées. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec ce missile nucléaire ? Est-ce qu'ils ont véritablement la possibilité de toucher n'importe quel point du globe avec une charge nucléaire ? Non, certainement pas. Certainement pas. On sait aujourd'hui, et là précisément on est dans le cœur de la question que vous me posez depuis le début, on sait qu'ils sont en train de finaliser leur capacité intercontinentale balistique, mais on ne sait pas quand. Est-ce que ça va être dans 6 mois ? Est-ce que ça va être dans 1 an ? Est-ce que ça va être dans 2 ans ? Il y a quelques années, on disait que c'était dans 2, 3, 4 ans. Maintenant, on est plutôt sur 2 ans ou plutôt sur 1 an. Et au prochain essai, on dira c'est dans 6 mois. Mais là, je ne peux pas vous en dire tellement plus. En revanche, si je reviens sur cette question d'échec, qui est vraiment fondamentale, là, c'est une excellente question dans ce cas d'espèce. Est-ce qu'il y a véritablement, et dans quelle mesure, il y a un échec des États-Unis. Vous citiez l'article du New York Times. On sait que les Américains savent énormément de choses. Plutôt qu'une méconnaissance significative de l'évolution des programmes, je parlerai, moi, d'une minimisation de cela. Je pense que depuis 2011-2012, la mise en place de la politique de patience stratégique du président Obama, au moment même où on se concentre sur la résolution de la crise nucléaire iranienne, à Washington, particulièrement au département d'État, mais également au département de l'énergie, au département de la défense, on ne prend pas politiquement, si vous voulez, en mesure, en compte, là, l'importance que pourrait avoir une nouvelle crise nucléaire avec la Corée du Nord si cet État a des moyens d'emport qui fonctionnent et qui sont opérationnels. On ne s'en rend pas compte parce qu'on se dit quoi ? On se dit que le nouveau dirigeant qui arrive est très jeune, qui va peut-être pouvoir être manipulé par des factions avec lesquelles il est possible de négocier, et qu'on va attendre un petit peu, c'est bien la patience stratégique, que l'horizon se dégage pour qu'on puisse à nouveau dialoguer avec les Nord-Coréens. Et là, on ne prend pas la mesure de ce qui se fait. Mais ce n'est pas qu'on ne le sait pas. C'est qu'on ne veut pas véritablement le savoir. C'est un petit peu plus délicat. Benjamin de Couverture, justement, en conclusion, cela a une longue histoire, l'idée selon laquelle on peut minimiser de manière délibérée ou pas ce que va faire l'ennemi. Alors, par exemple, on avait accusé les États-Unis d'avoir su pour Pearl Harbor pendant la Seconde Guerre mondiale et de l'avoir minimisé, avec là aussi beaucoup de controverses à ce sujet. Oui, absolument. C'est pas des exemples, il y en a énormément. Il y en a énormément, je veux dire, dans une certaine mesure, une grande partie de l'état-major français connaissait la menace allemande des chars allemands dans les années 30. Et une partie de cet état-major n'a pas voulu l'avoir. Le missile gap dans les années 50 entre les États-Unis et l'URSS, c'est à peu près le même sujet. Ça a été surdéveloppé, surdimensionné, alors qu'en réalité, il n'y avait pas véritablement de missile gap, mais ça a servi. C'était utile, par ailleurs. Pour cette question-là de la Corée du Nord, on peut presque se demander, si vous voulez, si la minimisation de la menace qui, aujourd'hui, fait surréagir les États-Unis, ne les sert pas d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce que ça leur permet de faire déployer par la Corée du Sud des systèmes de défense antimissile SAD. Ça leur permet de faire accepté par la population et l'opinion publique japonaise, la normalisation de la politique militaire japonaise. Ça leur permet d'accroître les actifs stratégiques américains en Asie-Pacifique, à l'heure où quoi ? À l'heure où la primauté américaine dans l'Asie-Pacifique est mise sérieusement en défi par la puissance chinoise. D'une certaine manière, la Corée du Nord est assez utile de ce point de vue-là. N'allons pas trop loin, si vous voulez, dans ce genre d'explications qui sont toujours un petit peu vaseuses, mais c'est également un facteur d'explication. Elle est utile, cette menace nord-coréenne. Le vrai problème de cette région du monde pour les États-Unis, c'est la Chine, c'est pas la Corée du Nord. Merci beaucoup, Benjamin Houde-Couverture. Je rappelle que vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Superfell a été raté par Anaïs Isebaer, a été foiré par Anthony Thomasson à la technique et mal réalisé par Jean-Christophe Francis. Superfell.